ou ce que le prophète Sam a consenti ou a affirmé fait partie de sa sunna. Alhamdulillah. Taïb. Ensuite, on avait parlé de la, qu'il était préférable de rassembler les deux takbir en un seul souffle. Quelle est la preuve? Le hadith de... Hadith de... Non, de répéter. C'est le hadith de qui? Omar ibn Khattab. Hadith de Omar ibn Khattab. Le prophète a dit, إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر. Et les savants ont déduit qu'il était préférable dans l'adhan et dans l'iqama de dire les deux takbir binafasin wahid. Ensuite, on avait parlé de tarji'. Quelle est la définition de tarji'? Alhamdulillah. Naam. Tarji', c'est لما يكبر أربع تكبيرات ثم باطنا مسرا يعني يشهد لا اله الا الله مرتين وان محمد رسول الله مرتين ويرجع ترجيع يرجع ويشهد مرتين وان لا اله الا الله وان رسول الله جهرا. نعم دونك لو فار دي الترجيع سي دو دير لي كات تكبير بي دو دير لي دو شهادة ا فوا باس اي انسويت لي ردير ا فوا اوت دو فوا. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit le frère ou c'est faux? Ou est-ce que c'est partiellement vrai? Non, de tarji', c'est pas Allah Akbar, ça rentre. Dans le tarji', il n'y a pas de takbirat. Je veux dire Allah Akbar. Non. Shahadatayn, taïf. Donc, le tarji', c'est uniquement en rapport avec le shahadatayn. Le takbir ne rentre pas dans la définition de tarji'. Le tarji', c'est le fait de dire les deux shahadas à voix haute, deux fois, après les avoir dites, deux fois à voix basse. De dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أبو باس puis de dire à voix haute أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Donc ça c'est le tarji'. Et le tarji', elle était rapportée dans quel hadith? Un muezzin qui fait l'adhan en faisant at-tarji', on dit qu'il a fait l'azan de qui? De Abu Mahdoura. Ça c'est l'azan qui est connu chez les savants, bi azan Abu Mahdoura. Taïb. Ensuite, on avait parlé de at-taswib. Qu'est-ce que at-taswib? Non. As-salatu khayru min an-nawm. Qu'est-ce qu'on a dit sur at-taswib? Quand est-ce qu'il se dit? Au niveau de l'adhan. Naam, akhi. Non, au niveau de l'adhan, dans l'adhan. À quel moment du adhan il se dit? Ba'da hayya ala al-falah. Donc, as-salatu khayru min an-nawm se dit deux fois après hayya ala al-falah. Taïb, là les savants sont d'accord sur ce point. Et dans quel adhan at-taswib doit-il se dire? Est-ce que c'est dans le premier adhan du Fajr ou est-ce que c'est dans le second adhan? Non. Qui peut me répondre? À part Bachir. Je crois que ce soit toujours Bachir. Je n'en veux pas Bachir. Mais... Non. Il y en a qui disent. Il y en a. Cheikh Albani Rahmallah. Non. Il dit qu'il faut dans le premier adhan, car quand on dit c'est pour réveiller les. La première preuve de Cheikh Al-Albani. Donc tu dis Cheikh Al-Albani dit que at-tathwib, le fait de dire as-salatu khayru min an-nawm se dit dans le premier adhan. Quelle est la première preuve de Cheikh? C'est parce que c'est pour réveiller les gens. Non, c'est pas ça sa première preuve. Hadith Abi Mahdoura. Qu'est-ce que le prophète a dit à Abi Mahdoura? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit lorsque tu es dans adhan as-subh, في أذان الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. Il lui a dit, et lorsque tu es dans le premier rappel du Fajr, dis après Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. Donc Cheikh Al-Albani a utilisé cette phrase du Prophète sallam qui dit lorsque tu es dans le premier rappel du Fajr, c'est-à-dire le premier Adhan. C'est ce que Cheikh Al-Albani rahimahullah a compris du hadith. Et une autre preuve que tu as citée, c'est que